Tu as vu le stade? Putain, c'est plein, con. Oh, le coup de pied! Oh, je le crois pas, lui. À côté encore, hein. Putain, mais quoi il fait? Mais où il va? Mais où il va? Shoot! Ambulancier. Putain, qui tranche l'arbitre. Au cabinet, au cabinet. Passe, passe la balle. Papa. Je le crois pas, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a raté. À gauche, à gauche. À droite, à droite. Et passe-moi une mousse. Il a mis la jambe, il a mis la jambe. Pénalty, touche. Oh, oh. Ah, ah. Putain, il a marqué. Il a mis le but. Il a mis. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça. Je le crois pas, c'est beau, ça. C'est pas beau du tout. Mais oui. Mais non. Je te dis que oui. Mais tu vois bien que non. V. T'es raté. Oui. Et passe le ballon. Et suis-le. Tu le tiens, suis-le. Mets-la lui bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y! Raté! Va faire le taxi, hein! Et qui braise! Le taxi, je te dis! Oh, il a un gars, c'est la lucarne! Alors, tu shootes? Shoot, shoot! Vas-y! Dans le trognon! Attaque! Attaque, attaque! Attaque! Allez, suis bien! Suis-le! Esquivé! Personnel! Personnel! Quel personnel? On est pas au casino là! On l'a dans le trognon! Eh bien, comme d'habitude, hein!